plus ses rêves. Encore un soir, encore deux, trois bars, encore affalé. Et alors? Je trouve pas de taf, depuis trois semaines tu fais que chercher. Tu repenses à ton passé, quand tu faisais du sale, l'argent sous le matelas. Tu disais maman, je vais tout arrêter, toi et moi, faut qu'on se barre de là. Mais ces enculés rappellent pas, je me réinsérer mais j'arrive pas. La journée je te promets j'arrête pas, mais je vois tous mes potos quand je rentre à la ragba. Ouais frérot, on te voit plus, wesh tu fais quoi? T'as pas trouvé taf, c'est dommage mon refrain. Si tu veux y'a un bon plafond, un gros paftard, on va peut-être prendre ce que tu prendrais en une année. C'est trop frustrant la tentation. Maman s'te plaît, dis-moi on fait quoi? T'as une vieille retraite et de loyers en retard. Pour que tu sois bien, dis-moi on fait quoi? Jamais baisser mon pantalon, avec toi toujours avaler ma fierté. Désolé, je finirai dans la rue, car elle n'a pas fait on preuve a de pas fair play. Tout ce qu'on veut, même quand on poursuit ses rêves. On n'a pas toujours ce qu'on veut, même quand on poursuit ses rêves. Memento mori, même quand on poursuit ses rêves. Oublie ta peur quand tu marches sur le fil. L'amour acrobate en déséquilibre. Je me tais, j'entends ce que ma petite voix me dit. Memento mori. Memento mori. Oublie ta peur quand tu marches sur le fil. L'amour acrobate en déséquilibre. Je me tais, j'entends ce que ma petite voix me dit. Memento mori. Memento mori. Les années passent, tu sors enfin, t'as fait trois ans plein. T'as réfléchi, t'as compris que la rue c'est pas ton destin. Tu rentres pour voir la daronne, un pote a trouvé un travail, faut lui annoncer. Tu passes chez un pote prendre de l'argent juste avant pour soigner ton arrivée. Puis tu passes la porte de chez toi, y'a que le petit ref, maman n'est pas là. Le daron vient juste d'arriver en urgence car elle est devenue gravement malade. Dis-moi la rue elle sert à quoi si tu peux pas être auprès de la madre. Elle était stressée, le petit frère qui prend le même chemin que son grand refrain. Il veut faire des thunes à la mort, il est devenu irrespectueux quand t'es parti au stade. Il est où lui aussi, il est où là? Ta mère lui disait de pas sortir le soir, poteau, il rentrait grave tard. Putain. Des larmes sur l'oreiller, ta mère s'est noyée dans ses problèmes. La juge t'a fixé ta nepe et ça n'a fait qu'aggraver sa peine. Même quand on poursuit ses rêves, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Même quand on poursuit ses rêves. Memento mori. Même quand on poursuit ses rêves. Oublie ta peur quand tu marches sur le fil. L'amour acrobate en déséquilibre. Je me tais, j'entends ce que ma petite voix me dit. Memento mori. Memento mori. Oublie ta peur quand tu marches sur le fil. L'amour acrobate en déséquilibre. Je me tais, j'entends ce que ma petite voix me dit. Memento mori. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Même quand on poursuit ses rêves. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Même quand on poursuit ses rêves. Même quand on poursuit ses rêves. Ah. Yeah. Laisse tourner le son. Ah. Où sont les sourires au pied de nos tours? C'est pour les rêveurs qui ont des nuits plus belles que nos jours. Lyriciste pente, c'est ça même. Refrain. You make me, you make me, you make me smile. You make me, you make me, you make me smile. You make me, you make me, you make me smile. And in a little while, I don't have no more tears to cry. Y'a tous ces rêves que je promène. Plaid d'arrêt mon accent. J'ai pas réglé mes problèmes. Les coups j'en ai fait 400. J'ai pas tenu les promesses. Perdu dans mes passe-temps. Et quand les autres progressent, j'ai l'impression d'être absent. Tout ça n'a pas de sens et ça me donne le tournis. Comment régner parmi les araignées? Je suis une fourmi, mais toujours mon sale orgueil qui résonne comme un écho. Je sais pas si j'ai mal à mon cœur ou mal à mon écho. Tous inégaux, tous énervés. C'est pour ma tante et tout le travail ingrat qu'elle a fait pour nous élever. C'est pour les femmes qui ont apaisé mes soupirs. Celles qui m'ont croisé en larmes et m'ont redonné le sourire. Refrain. You make me. Échappe à certains, pourtant il parle à d'autres. Et plus le bonheur me tend la main, plus je suis parano. À nos actes manqués, à nos embouteillages, à nos joies tourmentées, à nos coups de théâtre. Et y'a tous ces moments où je décroche, où je pense à me retirer. je pense aux reproches et à mes proches quand mes défauts remontent. Si j'aime autant mon fils, c'est pas seulement pour ceux qu'il aime, mais aussi pour ceux que je suis depuis qu'il est venu au monde. C'est pour mon grand frère dans le deal, pour tous ses conseils, pour tous ces gens qui m'ont fait grandir à travers les concerts. C'est pour les sœurs qui m'ont pas laissé souffrir, qui m'ont vu quand j'étais seul et m'ont redonné le sourire. Refrain. Maman, on garde le sourire et on prie même dans les pires moments. J'ai pas envie de fuir, maman. On garde le sourire et on prie même dans les pires moments. J'ai pas envie de fuir, maman. On garde le sourire et on prie même dans les pires moments. J'ai pas envie de fuir, maman. On garde le sourire et on prie même dans les pires moments. Radio Sud. Radio Sud. Radio Sud. Tell you something just between you and me. When I hear your voice, I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be. And I need you here with me. When you lift me up, I know that I'll never fall. I can speak to you by saying Sud. Son boule à la forme de mon continent. Bang, bang. Fleury, bois d'Arcy, les frères qu'on dirait. Bang, bang. Silicone dans sa poitrine, y'a pas que du lait. T'as ta mère, si tu veux pas reculer. Bang, bang. Elle veut la clé des Bucci. Je fais du commerce en bas de chez moi. En bas de chez moi. Père de John Dalia, j'achète pas de vie. Jamais de la vie. Viens la voir de plus près, tu vas changer d'avis. J'ai que de la patata. Si tu cherches ta tipeur, elle est dans mon appart. Elle est dans l'appart. Cette année, c'est la guerre. La guerre c'est la maison de disque ou la maison d'arrêt. Je veux 500 billets de 500 avec plein de zéros sur le chèque. On va signer ton contrat dans un endroit chic. 2-0 à 100 sur la voie de gauche, flashé par les radars. Mes plaques sont falches comme les Gucci de ton gars. Sur le bâtiment y'a l'hélico. On va te faire vivre le rêve américain. La matière est grosse, j'ai les doigts qui collent. Traficante comme Américo. Sur le bâtiment y'a l'hélico. On va te faire vivre le rêve américain. La matière est grasse, j'ai les doigts qui collent. Traficante comme Américo. Guetteur à la fuite, jogging alligator, j'étais. Là j'ai mis le plein, je remonte à bord du GT. Ce soir au casino, c'est du papier que je vais jeter. J'ai rayé la jambe, désolé bébé, j'suis pété. Versace, j'ai la Médusa. J'suis désolé si j'leur fais du mal. J'suis désolé si j'leur fais du mal. Mais c'est les tribunes présidentielles ou bien le tribunal. J'suis sur une île en Grèce, bois de pied en éventail. Et la serveuse parle anglais, j'ai claqué toute la maille. Strass, paillettes, pépé, j'ai rendu fier mon papa. Une ou deux fessées pour ouvrir mes chakras. Sur le bâtiment y'a l'hélico. On va te faire vivre le rêve américain. La matière est grasse, j'ai les doigts qui collent. Traficante comme Américo. Sur le bâtiment y'a l'hélico. On va te faire vivre le rêve américain. La matière est grasse, j'ai les doigts qui collent. Traficante comme Américo. Boutinaï, Boutinaï. Elle aime les voix. Boutinaï en soirée, Boutinaï par-ci, Boutinaï par-là. Yo! Radio Sud. Radio Sud. Besançon. Besançon. 101.8 FM. Jason. Get jazzy on. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable, oh, yeah. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You talk dirty to me. Jazzy on them. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Crac-crac Radio Sud.net. 101.8. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vous êtes bien dans la 25e. Désolé, c'est Chao, je suis malade, j'ai une bronchite. Oh, je suis avec mon gars Jounès. Et là, tu racontes ta vie. Dis bonjour aux gens. Déjà. Bonjour les gens, bonjour les auditeurs de Radio Sud. Ce soir, c'est émission spéciale Thanos. Yes, l'équipe. Ça va ou quoi? Bah, ça va et vous? Bah, pépère, hein. Nous, on a, tu vois, on est à côté, même en étant à côté, on arrive à être en retard, tu vois. Ouais, bah. Donc, ouais. Désolé, on a pris un petit peu de temps pour arriver. Y'a pas de soucis. C'est de la faute à Théo2S, tout ça. Ouais, c'est de la faute à Théo2S. En général, c'est sa faute, tu sauras. Voilà. Est-ce que la route s'est bien passée? Ouais, ouais, c'est bien passé. On est pas loin. Ouais, Montbéliard, je sais. Grand Charmont. Non, voilà. Parce que j'ai vu qu'il y avait, il y avait de la neige, tout ça. Je me suis dit peut-être que. Ah. Non, là, y'a rien. Y'avait okay. rien. Ouais, bah, c'est bon. Nickel. Ok, alors je vais vous expliquer un peu le déroulement de l'émission. Ouais. En gros, on fait une heure d'interview autour de toi. Donc, On a vu que tu avais déjà fait des interviews, tout ça, avec l'Est. Et voilà, ouais, j'ai fait quelques-unes. Ouais. On va essayer d'innover. Voilà, d'aller sur d'autres questions, même si bon, ils ont déjà posé pas mal de questions. Yes. Ouais. J'ai suivi le live de Radio Amitié et je me suis dit, on l'invite même pas en fait. C'est bon. Hein. Ils ont posé toutes les questions. Il y a toujours des trucs à dire. Vas-y, on va essayer. Bah oui. Normal. Essayer. Normal. Ok, donc il est là, il est 22h15. Du coup, on va attaquer direct. Yes. Donc nous, on a un petit rituel dans l'émission. C'est que en chaque début d'émission, on va mettre le jingle. Donc on s'est amusé à faire un petit jingle. Quand le jingle s'arrête, si tu peux nous faire ton jingle de la 25e, vas-y. En a cappella, voilà, c'est cool, tu vois. On lance ça. Quand tu veux, Juju. Attends. Je fais des gymnastiques, bouge pas, je te balance ça tout de suite. Sucré, salé. Radio. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-sud.net. 101.8. Ouais, la 25e, ça va ou quoi? Je vois que t'es venu avec des gens qui sont un peu calmes. Est-ce que tu peux les présenter en vite fait, tu vois? En même temps, on fait les petits big up. Là, il y a l'équipe. Il y a Andrea là, à ma droite. Il y a Oscar. Il y a Hoti. Il y a Wuldipe. Et puis sa copine Fanny. Ok. L'équipe, toute l'équipe. Un peu de touche de féminité, c'est pas souvent. Hein, il faut. C'est quoi, big up? Parce que je crois que c'était la première meuf qui vient depuis qu'on a fait l'émission. On n'a pas de petit four, tout ça. Ouais, vas-y. Désolé. Franchement, on vous accueille comme des... T'sais. Ouais, c'est bien. C'est bien, comme c'est ça. C'est bien. Street, mon pote. Ben ouais. Yes. Alors, Thanos, est-ce que tu peux nous dire un peu sur quel réseau on peut te retrouver? Ouais, alors on peut me retrouver un peu partout, Facebook, Twitter, Instagram... Donc c'est Thanos officiel, THANOS officiel sur tous les réseaux, sur YouTube également Thanos officiel. Voilà. Et j'ai vu que t'avais un site, t'as un site internet aussi. Ouais, thanosofficiel.fr. Bon, c'est un peu vide en ce moment parce que j'ai pas trop le temps de le gérer, mais il y a deux trois clips dessus. On peut retrouver mon premier projet aussi, La Bine fait par le moine qui est dispo dessus. Okay. Donc voilà, ça vaut le coup. MTPP là. À la chaîne FPLM. Ok. C'est ça. T'as dit quoi, toi? Elle est bien, je sais pas quoi. si. Lourd. Merci pour la pub, beau gosse. Du coup, ce qu'on va faire, moi, je vais balancer un premier son. Ouais. Avant de partir vraiment dans les questions, on va dire, un peu plus détaillées. Yes. Le premier son que je voulais mettre, c'était Célébrité. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu du son? Où est-ce que t'as posé? Où est-ce que, tu vois? Célébrité, pour moi, c'est... Enfin, personnellement, c'est le morceau que je préfère de l'EP. C'est un morceau un peu différent, j'ai pas trop l'habitude de faire des morceaux un peu comme ça. C'est un morceau que j'ai enregistré comme toujours un studio à Belfort, Milomi Studio. C'est Pierre Michelet, il s'appelle, qui m'a enregistré, qui fait le mix, qui fait le mastering, donc j'ai toujours enregistré là-bas. C'est comment le nom du studio? Milomi Studio. Milomi. Ouais, c'est là-bas qu'enregistre notamment Pipo, qui est sur Belfort. Donc c'est toujours là-bas que j'enregistre, donc c'est là-bas que je fais tout. Voilà. Yes, ok. Donc voilà, célébrité. Yes, donc vous êtes toujours dans la 25e émission spéciale Thanos ce soir. Il a fait le déplacement, les gars. Donc les gars de Beuzac qui veulent pas venir, vous savez que les gens ils se déplacent maintenant. Le son Célébrité, issu de l'EP, c'est issu de ton EP. Ouais, hein, c'est le dernier EP Fly, ouais, c'est ça. Yes, alors c'est parti. C'est parti. Pourquoi tu parles quand tu ne sais pas? Mon enfance était vaine. Nos pensées nous font mal. L'impression d'avoir tout raté. Me suis pas, j'ai la balle. Fais confiance, je vais la cadrer. Où est passé ton esprit? Pourquoi tu l'as fermé? Toutes les balances sont vesquies. Je suis mon seul allié. Ouais, ils nous ont menti. Je suis déçu et avi. Des trahisons viennent d'armi. Depuis ma haine a grave grandi. Ouais. Pourquoi ma colère est née dès ma naissance? Pourquoi depuis naguère je n'ai plus de chance? Quoi? Parle-moi face à face, allez, vas-y, viens. Tu racontes des mythos à politiciens. Rien qui veulent m'abattre. Ça me fait de la peine. J'en ai rien à battre. Je pense plus à la vie. Hey, gros, plein m'écoute mais qui me comprend. Tu parles monnaie, moi content. J'ai les sentiments rouge sang. Je suis en cours, j'écris mes morceaux. Tôt ou tard, je reviens d'en dessous. Toujours clean dans mes propos. Dans le rap, mec, tu t'es dissous. La solution, où est-elle? J'en connais qui sont les CV. Tu te prends pour roi soleil. T'as la place de l'écuyer. Ton talent, c'est QT. Crie gros si le jack passe pas. J'cours, mec, je viens filmer. Et ta goga, c'est champagne. La nuit porte conseil, mais je ne dors plus. J'attends jour de paix. Comme résolu, résolu. La nuit porte conseil, mais je ne dors plus. J'attends jour de paix. Comme l'amour inattendu. 25-2 double zéro, Thanos Nosta Bang, Thanos Nosta Bang. 25-2 double zéro. Hey, hey, hey, hey. Ta célébrité, j'en veux pas. Ouais, j'en veux pas. Hey, hey, 25-2 double zéro, Thanos Nosta Bang. Radio la 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yeah, mission spéciale Thanos, vous êtes toujours là. Big up, big up, big up pour tous ceux qui nous écoutent. On sait qu'il y a des bonnes écoutes, donc on tient à vous big up aussi à tous ceux qui nous écoutent dans leur voiture, tout ça, on est ensemble. Donc ce soir, Thanos qui est là, Grand Charmon, ouais. Montbéliard, tout ce secteur, Belfort. C'est ça. Quel âge tu as? 22 ans. 22 piges, 22 donc... okay. 97. 97, j'ai essayé de faire un calcul, mais c'était compliqué. Yes, 22 piges, t'as commencé le rap à quel âge à peu près? J'ai écrit mon premier texte, j'avais 15 ans. Ok. J'avais 15 ans et c'était 2012. Toujours solo? Ou... Toujours solo. Ok. Toujours solo. Solo, ouais. Mais entouré. Ouais, solo. Avec ton gars. C'est ça, il y a toujours les mêmes gars qui aident un petit peu à partager sur les réseaux, qui prennent les photos quand il faut, qui sont là pour pousser. C'est des ghostwriters? Yes, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est les community managers un peu. Et je crois que je t'ai vu dans un clip d'ailleurs. Peut-être ouais, le les deux. Il y a Walid et puis Scar qui sont dans le clip. Ok, c'est ouais. Si, yes. C'est ça, c'est ça. Mon mannequin aussi. Ouais, ils font tout. Vas-y. Ils sont forts. Vas-y. Yes. Il y en a même, ils rappent. Woldy P. On va voir ça après. Hein. Vas-y. Ce sera pour la fin de l'émission. Voilà. On va le noter. Est-ce que t'as déjà fait des scènes? Est-ce que on a déjà pu te voir en live chez toi, tu vois? Ouais, j'ai. Bref, des scènes, non. J'avais fait un festival quand j'étais au lycée, un petit festival. C'est la première fois où je montais entre parenthèses sur scène. Et après, j'ai fait des open mic. Donc, okay. Open mic homo loco principalement. D'accord, voilà. Ok. Donc, homo loco, parce que je fais un peu les transitions. Homo loco, c'est les grosses salles de concert chez vous, c'est ça? Ouais, c'est ça, Audincourt. Ouais. Ok, Audincourt. Qui accueille des bons MC, des bons artistes quand même. Ouais. Yes. Ok. Lourd. Et Thanos, ça vient d'où du coup? Bon, Thanos. Nous on sait un petit peu, tu vois. Ouais, bah, les gens comprennent, je pense, généralement, maintenant qu'il y a Avengers qui est sorti, Avengers 3. Yes. Ouais, c'est un gros clin d'œil aux comics Marvel. Parce que je suis un fan de comics depuis que je suis petit. J'avais 5 ans, j'allais acheter mes comics avec mon père au bureau de tabac. Et c'est un personnage que j'affectionnais particulièrement. Et puis vas-y, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi t'as changé l'orthographe? Ça s'écrit pas comme ça, Thanos? Non, ça s'écrit avec un seul A. Mais après, je me suis dit si je mets le même nom, ça va être chaud. Pourquoi Déjà même pour le référencement et tout. Tu vois qui est Thanos? On n'est plus à ça près. Ouais, on n'est plus à ça près, mais voilà. Puis ça, je trouvais ça. Quand j'étais jeune aussi, je trouvais ça stylé de mettre deux A, tu vois. Donc du coup, j'ai laissé. Vas-y. Ok. Ok, parce que du coup moi je connais un peu les comics, les Marvel. Yes. Ouais, tu connais plus ou moins quoi, tu vois. Ouais. Bon Thanos, j'ai vu le dernier là, j'ai vu le film. J'ai regardé un peu sur internet, tout ça. Il a tout fumé. Donc Thanos, si je comprends bien, je vais le résumer en quelques bails, tu vois. Il est quasiment invulnérable. La mort lui a refusé son royaume. Il est craint du cosmos entier. Ouais. Est-ce que en fait, en gros, tout ça, ça te représente? Ouais, c'est tout moi, ça. C'est non, tout non, non, c'est pas tout moi. Ah, t'aurais pu me dire non, non, non, non, non. Non, non, non, non mais c'est pas là-dessus, tu vois, que je me suis représenté à lui. C'est plus dans sa façon de voir le monde, entre parenthèses. Parce que c'est un gars, il cherche à faire le bien, mais il le fait pas dans le bon sens, tu vois. Il fout le bordel. Il fout le bordel. Okay. C'est ce qu'on voit dans le film, tu vois. Il veut supprimer la moitié de l'univers, mais pour que la planète elle aille mieux aussi. Mm-hmm. T'as capté? Donc okay. Du coup, c'est dans lui, il voit ça bien, mais okay. Il prend pas les bons chemins, on va dire. Ok. Voilà. Et du coup, je rebondis comme ça. Rebondis. À part Thanos, du coup, parce qu'on va dire que Thanos, c'est un méchant, entre guillemets. Yes. Est-ce que t'as un autre personnage préféré, mais on va dire du côté du bien? Ouais. Les Marvel, les comics, les... Ouais, quand j'étais petit, je kiffais grave Spider-Man, tu vois. Ok. Parce que c'est le personnage... Il a un pouvoir, Spider-Man, ouais, j'étais chelou. Ouais, si, quoi. un peu, tu vois. Chelou, mais quoi. Le truc, c'est que... non, mais c'est parce que, justement, c'était pas le gars qui était hyper puissant, mais il arrive à faire des dingueries. Ouais. Et c'est pour ça aussi, on se reconnaît un petit peu en lui, parce que... Ok. Toi. Donc ça veut dire que si dans un mois, je vois un clip d'un mec qui s'appelle Spider-Man... Ah là, il y a moyen que c'est moi, tu vois. Avec 4A. Si, si. Il y a moyen que c'est moi. Yes, ok. Donc en dehors du rap, donc si je comprends bien, t'es quand même un peu fan de comics Marvel. Ouais. Et est-ce qu'il y a autre chose? Je sais pas, est-ce que tu taffes? Est-ce que t'as ouais, je suis étudiant hein, déjà. Je suis étudiant, je suis en quatrième année d'école de commerce à Belfort. Okay. Excuse-nous. Ouais. Donc du coup, je fais ça. Puis à côté, je taffe parce que je suis en alternance. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu. Enfin, c'est compliqué d'allier le taf, les études, le rap. Mm-hmm. Donc je fais comme je peux. On charbonne. Puis voilà. Et le handball. Le handball aussi. Ouais. Je fais du hand aussi à côté de ça. Ah, on a étudié. Il check. Hein. Non, même pas. Ouais, je fais du hand depuis que je suis tout jeune aussi. Donc, tu joues quel poste? Moi, je suis. Alors, ça dépend des équipes dans lesquelles je joue, tu vois. Parce que des fois, je joue en B, des fois, je joue en équipe C, tu vois. Mais je suis ailier. Je suis ailier pivot. Ailier pivot. Comme Tony Parker. Ouais. Ok, vas-y. Et du coup, pour les auditeurs, donc Thanos vient de Grand Charmont à côté de Mont-B. Tu vois, nous, on va dire, on connaît pas trop, entre guillemets. Moi, je suis déjà allé. Moi, je suis allé plusieurs fois là-bas. Est-ce que tu te places comme un représentant, entre guillemets, de ce secteur-là ou pas du tout, tu vois? Ouais, c'est pas dans mes idées, entre parenthèses. J'ai pas envie de dire que je suis représentant de quoi que ce soit. Moi, okay. Je suis là, je fais mon rap. Yes. Je fais mes trucs. Après, c'est vrai qu'à Grand Charmont, il y a quand même un ou deux gars qui kick. Mais je me vois pas comme un représentant. Moi, je suis là, je fais mes bails et puis voilà. Ok. Le maire, il va à Grand Charmont? Comment? Le maire de Grand Charmont, il kick ou pas? Non. c'est mon voisin en plus, le maire. Ah non, c'était l'ancien maire. C'est mon voisin. Il a un sud à la messe. Il se passe quelque chose. Vas-y. D'ailleurs, on est une assos, donc on a besoin de subventions si jamais on ira toquer chez le voisin. Voilà. Tes origines, donc si j'ai cru comprendre, t'es Portos. Yes, c'est ça. Ouais. Portos ou... Non, du côté de mon père. Mon père, il est portugais, ma mère, elle est française. Ah, sous des cracks. Ok. Voilà. Okay. Alors, commencez pas à parler portugais avec Théo2S. Ouais, sinon Théo2S, ça, j'ai capté aussi. Absolument. Il a mis son survêt. Ouais. Il s'est dit, on va le mettre à l'aise quand même. Si. C'est ça. Full bourdain. On a la maison. si. Ok. Attends, excuse-moi, 30 secondes. Quel bail? Pardon. Encore des appels cagoulés. Ça D'accord. continue. Je suis obligé de répondre. Des fois, j'éteins pas mon téléphone quand je suis en antenne. Donc, on est obligé de répondre. Tu c'est connais. Un grand souci, ça. Ah, mais on va essayer de répondre. C'est des questions en général, c'est pour les invités. Donc, ouais. Je te prie d'écouter. J'écoute. Allô, Thanos. Ouais. J'ai vu sur les réseaux que tu venais de Montbéliard. Ouais. Mais moi, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que tu venais de Grand Charmont, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai quelques lyrics pour ton prochain son, là. Dis-moi ce que t'en penses. Vas-y, c'est un refrain. Je viens pas de la cité, mais le beat, t'es bon. Je viens pas de Bezac, mais de Grand Charmont. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est lourd. C'est lourd, j'adore. Tu valides ça ou quoi? Ah, c'est validé. Vas-y, dans le prochain EP. Ah, obligé. Okay. Lourd. On va attendre ça avec grande impatience. Vas-y. Attends, t'entends le téléphone qui ressonne encore? Moi, ça me rappelait quand même un bail, mais bon. Après, on va dire plagiat. Ah, je sais pas. Hein. Je sais pas du tout. Franchement, je reconnais pas. Ok. Oui, bonjour, Sylvain Delacroix, je suis manager de Caris. Thanos, j'ai vu votre CV sur Facebook et votre profil m'intéresse parce que vous parlez chinois. Et mon client aimerait apprendre à parler chinois pour l'octogone. Merci, contactez-moi. Ouais. Parler chinois. Faut que je te dise des mots en chinois là ou quoi? Tu parles chinois? Ouais, vite fait. Parle un peu parce que après sinon tu vas déclencher le collègue et puis vous allez commencer à parler chinois entre vous. Je te dis un truc. Vas-y. Je te dis, je suis un étudiant français. Ouais, c'est bateau ça aussi. Bah, c'est le seul truc que je sais dire. Ah, escroc. Ça fait. Hey, il est dans le commerce, gros. Belek. Ah ouais, quand on allait en Chine, fallait bien ça. Fallait bien dire que j'étais un étudiant français, tu vois. Les meufs et tout, les chinoises. Ça fait. Washe da shoshin. Washe da shoshin. Washe da shoshin. Ouais, mais ça veut dire notre bail. Ça veut dire Jounès. Laisse-moi tranquille, mon gars. 10 000 balles. Yes. Attends, bouge pas. J'en ai encore un petit dernier, là. Oh. Allô? Allô? Ouais, Thanos, au final, t'es allé à New York ou pas? Parce que j'ai vu sur Facebook, tu bicravais du fromage pour payer ton voyage. Il en est où le voyage? Ah, il est là, il est payé le voyage. Il est payé le voyage? Il est payé. Dans la totalité presque. Et c'est pour quand du coup? Là, c'est pour fin avril là. Fin avril. C'était quoi ça? Je pars le 29 avril. Bah, okay. Apparemment, il bicrave du fromage. Ouais. Pour payer un voyage. Ah, lourd! Mais lourd, mon gars! Et pas que du fromage. On vend tout. Ah, si. T'es pas à l'abri, ils vont ta roue de voiture. Si. T'es pas abrité, vas-y. Mais ça, c'est lourd, ça. Ça, c'est avec le bail de commerce. Ouais, avec l'école de commerce. D'accord. Ouais, on part là-bas. Faire... Et c'est validé, là, vous allez partir. C'est validé, on part le 29, je crois. 29 avril. Validation. Destination. New York. New York même. Kilo de comté, hein, mon pote. Voilà. Ah, oh, vous avez été chercher ça loin. Ah, vous avez été chercher. Ah, on cherche, t'inquiète. Ça va aller. Vas-y, je suis hors ligne, c'est bon là. C'est bon, mode avion, tout ça, il n'y a plus de. Nickel. Je suis hors ligne. Donc, sur cette petite pointe d'humour bien de chez nous. Je voulais mettre le deuxième son. Tu as le pastaga, gros. Tu as le pastaga. Est-ce qu'on va où? Est-ce qu'on va? Pardon. Du coup, je vais passer le deuxième son que je voulais mettre. C'était Pas Moyen. Ouais. Donc, ça, c'est pareil, c'est sur ton EP. Ouais, pareil. Deuxième EP, c'est le deuxième morceau de l'EP. Enregistré aussi au même endroit. Toujours pareil, ouais. Ok. Nickel. Attends, avant toute chose, j'ai juste une petite annonce pour tous ceux qui n'ont pas Deezer, Napster, Spotify, tout ça. Si vous voulez le projet de Thanos, moi je l'ai téléchargé illégalement. Je vous le bicrave pour 5 balles. Parce que lui le bicrave pour 10 balles. Donc vas-y, moi, moitié prix, passez par moi. Mais toi, c'est pour quel voyage, toi? C'est pour partir. Si. On est là pour payer un quad à la daronne, tu vois. Si. Donc Thanos, Pas Moyen, issu de l'EP Fly. On balance ça directement dans la 25e. Est-ce que tu m'entends? Je ressens comme de la solitude. J'espérais dépasser 20 ans. Maintenant, mon pote, j'ai besoin d'une coupure. Allez, monte dans ma voiture. On va toujours aller tout droit. Ce soir, toi, c'est whisky coca. Pour lui, c'est j'tard, matraque et coca. Je veux pas voir ces femmes se faire battre. Je veux pas voir madame se frotter. Elle a 16 et t'en as 23. Tu devrais même pas pouvoir y penser. Tu me fais mal et tu me fais de la peine. Tu dis que c'est sa faute, c'est la tienne. Elle veut te rappeler, c'est plus ton blême. J'espère qu'un jour on fera la même. Et le monde n'est pas si timbré. Non, le monde n'est pas si givré. C'est l'humain qui un peu taré, ou juste moi qui n'ai pas assez. Ça, je ne sais pas, c'est la question. Mec, je sais pas, c'est la question. Je sais juste que je veux pas changer. Je veux toujours pas de félicitations. Bloqué dans ma bulle, je ne veux plus parler. Mes amis s'éloignent, qui sont mes reflets. Nos visions s'écartent, on n'a plus les mêmes cartes. Ils veulent rester esclaves, pas moyen qu'on m'exploite. Bloqué dans ma bulle, je ne veux plus parler. Mes amis s'éloignent, qui sont mes reflets. Nos visions s'écartent, on n'a plus les mêmes cartes. Ils veulent rester esclaves, pas moyen qu'on exploite. Premier pas vers la lune, dernier pas vers la vérité. Dégage tes importunes, l'enfant seul est devenu posthume. On nous like, on follow, on se filtre, on est beau. Tous ces yeux dans Hublot, on est comme macaque dans son zoo. Yeah. Et c'est toujours pareil. Où est passé l'enjeu? La langue anglaise prend le monopole. Aucun citoyen parle hébreu. Plus de glorieux dans les cieux. Plus de salut dans les yeux. Vu qu'on est deux et sérieux. Autant jouer qu'on termine heureux. Viens, je me calme, là je suis chaud. Clave une garde, veut pas partir tôt. Je me cache sous masque et sous fumée. Je fume tout comme Obito. J'ai le Sharingan, j'ai le niveau. Double sabré, cristal jaune. On a l'envie, les idéaux. Protège ta mère, mec, c'est le scénario. Bloqué dans ma bulle, je ne veux plus parler. Mes amis s'éloignent, qui sont mes refrains. Nos visions s'écartent, on n'a plus les mêmes cartes. Ils veulent rester esclaves, pas moyen qu'on m'exploite. Bloqué dans ma bulle, je ne veux plus parler. Mes amis s'éloignent, qui sont mes refrains. Nos visions s'écartent, on n'a plus les mêmes cartes. Ils veulent rester esclaves, pas moyen qu'on m'exploite. Parle-moi de ta vie, parle-moi de tes proches. Dans le garage t'auras la ermite quand t'auras plus que rempli tes poches. Fou, wesh tu veux voyager, wesh tu veux aller où? San Francisco tu le verras pas avec tes pauvres San Francisco. Hey, vas-y viens on arrête. On arrête de rien faire, y'a tellement de choses à gravir. Ça serait dommage de rester à terre. Et l'Afrique a des pyramides, frère l'Europe a fait des frontières. Man j'ai honte de notre avenir, voter FN devient ordinaire. Yeah, yeah, yeah. Pourquoi tu me parles d'amour? La vie fait bien mal et je t'avoue je suis déçu. Y'a ringards sont les voyous qui parlent de maille mais en fait sont sous écrou. Depuis le début mes thèmes restent libres jusqu'à la fin, je garde mon fut. Y'a je les vois percer sans mental, 2 ans après ça chute comme un Airbus. Bloqué dans ma bulle, je ne veux plus parler. Mes amis s'éloignent, qui sont mes refrains. Nos visions s'écartent, on n'a plus les mêmes cartes. Ils veulent rester esclaves, pas moi, car qu'on m'exploite. Radio la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yeah, la 25ème, on est là jusqu'à minuit ce soir. Émission spéciale Thanos. Donc, on va continuer un petit peu les questions. On va rentrer dans le cœur du sujet parce qu'on est là pour parler rap. Bah ouais. On est là pour parler de toi. Donc, je voulais savoir. Bon, j'ai vu que t'avais pas mal de références un peu, on va dire, années 90. Yes. Est-ce que tu peux me donner 3 albums références? Ouais, je te dirais Quelques Gouttes Suffisent, Opéra Puccino, L'École du Micro d'Argent. Ok. Et toi, quand t'as écouté ça, t'avais quel âge en fait? 4 ouais. J'ai commencé à écouter du rap tard. Moi, j'avais 12 ans quand j'ai commencé à écouter du rap. Et c'est le premier groupe que j'ai écouté, c'était IAM. Et après, je me suis un petit peu ouvert et j'ai commencé à aller vers du Lino. Puis en dernier, j'ai commencé à écouter du Oxmo Puccino. Ok. Quand je commençais un peu à comprendre un peu mieux la langue française, t'as vu. Ah, ok, d'accord. Parce que avant, t'écoutais quoi en fait? Avant, je te jure, je sais même pas ce que j'écoutais. J'écoutais les musiques que. Non, les musiques que le daron il écoutait, tu vois. Si. Il écoutait quoi? Il écoutait Madonna, il écoutait Michael Jackson, tu vois, les trucs comme ça. Okay. J'écoutais pas tant de musique que ça moi-même quand j'étais tout seul. Ok. Mais après, quand j'ai commencé à écouter du rap, c'est là que je me suis mis la musique à fond, tu vois, et que. Si. J'ai pas arrêté d'écouter, tu vois. Ok, très bien. Et le dernier morceau que t'as écouté aujourd'hui? Parce que si par exemple là t'ouvres ton. Ouais. J'ai ton appli, tu vois. Je vais dire Spotify. C'est Thanos, pas moyen. Non. Okay, il se fait vraiment sa promo non. Jusqu'au bout. Je viens d'écouter mon beau mal. Spotify, le dernier morceau que j'ai écouté, c'était Putana de Nino. Ok. Ouais, dernier album. Et tu t'en penses quoi de l'album? Il est fort. Fort. Je vais pas faire le gars, j'aimais pas Nino les derniers albums qu'il avait sortis. Mais celui-là, je l'ai bien pris. Ok. Cool. Bah, plusieurs vibes et tout. Quel âge? Mais je crois qu'il a ton âge en plus. Ouais, hein. Il a 21 lui. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Yes. Et le dernier clip là, si t'as un clip là vraiment qui est sorti il y a pas longtemps et qui t'a giflé vraiment, ce serait quoi? Un clip qui m'a giflé récemment. Ouais, je vais être honnête, PNL, ODD. Yes. Ouais. Je suis pas original, mais vas-y. Ouais. Ah, ils ont fait. C'est quand même fort. Et ils ont fait fort. Ouais. Ah, ils ont fait fort. Et dis-nous, s'il te plaît, t'es pas l'invité ce soir. Hey, je suis pas fan de PNL. Hein. J'écoute pas PNL. Hein. Yes. J'écoute pas PNL. Mais ils ont fait fort. La Tour Eiffel. Si vous voulez, j'ai des liens de l'album aussi. Il y en a un autre qui a les liens de l'album. Hoti. Si. Ok. Moi, je voulais parler aussi un petit peu. Tu vois, parce que nous, on est très Byzantin, Besançon, tu vois. Yes. On est déjà un peu retranché. Tu vois, mais quand je vois que toi, tu viens de Mombé, tout ça. Nous, le rap local, Byzantin, on va dire, on connaît vraiment, tu vois. Mais le rap local chez toi, où est-ce que ça en est, le développement, peut-être les structures, les studs, je sais pas, les radios, les événements, j'en sais rien, tu vois. Bah après, je dis, moi, le Moloko, ça tourne bien Audincourt. Il y a des belles premières parties. Il y a Napalm, qui vient de, je crois, il est d'Audincourt, Napalm. Ouais, il est d'Audincourt. Qui lui, perce bien, il est bien. Il va, à mon avis, il va pas tarder à percer et tout. Il rappe bien. Après, il y a des beatmakers aussi que je connais, moi, du coin. Il y a Houghton Beats, qui a fait la prod de cette époque sur mon projet, qui lui est de Vieux Charmont, donc c'est un voisin de chez moi. Okay. Et après, en termes de rap, il y a Eno, qui fait partie du groupe Akoma, qui lui était de chez moi aussi, qui est au collège avec moi. Là, il est parti cette année sur Montpellier, mais il a commencé d'ici, et c'est pas mal. Ok. C'est cool. Et vous avez, c'est quoi vous, c'est des home studios, c'est des studios, on va dire, pro. T'as dit pro. Que c'était chez le maire, wesh. Ouais, c'est vrai. Non. Vous allez directement dans la mairie, puis boum, quoi. Honnêtement, je sais pas où est-ce qu'ils enregistrent les autres. Okay. Moi, je sais juste que moi, je vais toujours au même endroit, je cherche pas à comprendre. Dès que j'ai un morceau enregistré, j'envoie un message au gars. Et eux, je sais pas du tout où ils enregistrent, on en parle pas trop, tu vois. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, dès ton premier son, t'es arrivé en mode... En mode stud ou non, pas du tout? Non, les premiers sons que j'ai sorti peut-être une dizaine de sons que j'enregistrais chez moi avec un vieux casque, tu sais, qu'on prenait pour jouer à la Play. Ok. J'enregistrais avec ça, le son il était éclaté. Ils sont où là? Des qui? Des sons. Les sons, sur YouTube, tu peux tous les retrouver. Mon premier son, tu peux le retrouver. Tranquille, on va en parler. Voilà. T'inquiète. Message Edinho, t'es pas invité ce soir. Mais vas-y, je m'en fous en vrai. Si je les ai laissés, c'est parce qu'au moins je vois qu'on voit la progression et tout. Et moi, ça me dérange pas du tout. Exactement. Ça me dérange pas du tout. Mais ouais, j'enregistrais chez moi et puis après, je me suis dit, il faut que je fasse un projet, un premier EP. Je me suis dit, je peux pas le faire comme ça. Donc j'ai cherché, j'ai eu un contact. Et puis, c'était le LMNM, MHPP, je sais pas quoi là, c'est ça? Ouais, la chaîne FPLM. Tant qu'on est sur ce projet pour la cover, c'est quoi le projet de la cover en fait de ce projet? Pour le premier projet? Ouais, c'est quoi le projet? Je savais pas quoi faire. J'ai un pote, Houghton Beats, qui fait les prods, qui faisait des graphes et tout. Bah oui, t'as pas vu, c'est écrit derrière. Bah ouais, je lui ai dit, vas-y, j'ai vu le projet. Il y a un graphe. Mais on dirait qu'il passait, il s'est dit. c'est ça, le projet il était prêt, il manquait une cover. Okay. Je me suis dit, vas-y, tu me fais un graphe, demain je viens, c'est Oscar qui est là à ma droite qui a pris la photo, je lui ai dit, prends une photo, et puis on balance comme ça. Vas-y. Mais tu sais d'ailleurs que j'ai vu que. Meurs pas, gros. Il y a un de tes clips qui a été réalisé par Mesh. Ouais. Donc d'ici de Besançon, lui aussi, il est dans le graphe. Tu vois. Ouais. Voilà, je savais pas ça. Voilà, il avait fait un graphe pour la mélodie de la Teste, lui. Ouais. Ah. Tu vois, il m'avait fait aussi un graphe pour un clip à l'époque, tout ça. Enfin, ouais, je savais pas. Il fait des bêtes de clips aussi, Mesh. Hein. Ouais, il est lourd. Il fait de la photo, il touche un peu à tout. Ouais, il est cool. Bon, il y a du monde qui arrive dans le studio, tu t'inquiètes pas, c'est que c'est comme ça tout le temps. Tu vois, c'est le gars d'ici. En fait, c'est. En fait, ici, c'est un lieu de vie, tu vois, ça vit sans arrêt, il y a plein de gens qui arrivent. Ouais. Là, il y a Mykos qui est arrivé, il y a Feuf qui est arrivé, il y a DJ Seka qui est arrivé, il y a Stanovic, je me prends des baffes dans mon casque. Bref, il y a du monde, attends, on va dire bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Ok. Donc bon, j'ai un peu analysé, donc depuis 5 ans. Ouais. Parce que en fait ton premier son date d'il y a 5 ans. Ouais, c'est ça. J'ai écouté, je t'avoue que j'ai pas tout écouté, tu vois. Ah, vaut mieux pas. J'ai regardé beaucoup en fonction des visuels que des images qui étaient éclatées aussi. Bah après, sous-estime pas. Non, mais c'était éclaté pour le départ. Et justement, toi qui le faisait, c'était quoi? C'est des images que je trouvais sur YouTube. Okay. Yes. C'était voilà. OK. Et en fait, si, parce que là, j'essaie de parler en animateur radio, hein, tu vois. Non, mais je veux pas parler en rappeur, entre guillemets, tu vois. Parce que si je suis quelqu'un d'extérieur que j'écoute, ben moi, je vais te caser directement en mode, lui, c'est boom bap old school. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais Est-ce que toi, cette étiquette, entre guillemets, elle te va et tu l'assumes? Ou est-ce qu'au contraire, tu veux dire aux gens, bah, ouais, en gros, je fais ça, mais je fais pas que ouais. ça, tu vois? Bah, le truc, c'est qu'au début, c'est là-dedans que je me mettais, même moi, je me mettais moi-même dans ce truc-là. Je me dis, vas-y, je vais faire du rap old school à l'ancienne. Comme ouais. je disais, j'étais fan de IAM, tout ça. Je me suis dit, je vais faire du rap comme eux. D'ailleurs, les premières prods sur lesquelles j'ai posé, c'est... les deux premiers sons, c'est des prods d'IAM. Ok. Des phases B. Et vas-y, je me suis dit, au début, je me suis dit, je me lance là-dedans, dans le rap old school et tout. Et là, même le premier projet, il n'y a que des sons un petit peu old school. Et le deuxième projet, je me suis dit, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire que ça. Parce que même moi, ça a commencé à me saouler un peu. Et je me suis dit, même les gens qui écoutent, ils vont se suicider au bout d'un moment. Ils vont se dire, vas-y, c'est bon. J'ai écouté X à la fin. Ouais. Et voilà, je me suis dit, le deuxième EP, je voulais, c'est le principe aussi, c'est pour ça qu'il s'appelle. En fait, on peut l'appeler Ferme les yeux, mais on peut l'appeler Fly. Fly, pourquoi? Parce qu'il transporte dans deux univers différents. Il y a trois sons qui sont plutôt old school et trois sons qui sont plutôt new school. Ok. Voilà. Ça, tu l'as fait aussi inconsciemment parce que le rap évolue, ou c'était aussi une c'était toi qui avais envie de changer? C'est surtout que ma façon d'écouter le rap, elle a aussi un petit peu changé. Okay. Parce que j'écoute toujours autant de rap un peu à l'ancienne, mais je me prends aussi des gifles avec ce qui sort en ce moment. Et du coup, je me dis, vas-y, j'ai envie de changer un peu et puis me lancer aussi là-dedans. Parce que okay. j'aime bien changer. Bah, du coup, je vais te poser une question qu'on a posée la semaine dernière donc à Braza. Ouais. Donc, c'est pareil, Braza, c'est un gars des années... donc lui, c'est un gars 90. Tu vois, un peu boom-bap, tout ça, à fond. Yes. Toi, si là, on vient et qu'on te dit, par exemple, vas-y, tu nous fais un gros son trap. Est-ce que toi, tu serais prêt à faire un gros son trap, tu vois, vraiment? Ouais, on peut faire. Ok. On peut tenter. Yes. Non, parce que tu t'aurais pu me dire aussi, moi... Non, je pense qu'on peut. Je vais lui poser on peut tenter. Ah, bah, pose. Un gros son trap avec un mec nul à chier. C'est-à-dire. Mais. C'est un mec nul à chier qui rappe pas bien à ouais. ton goût, tu vois. Il te dit, vas-y, gros, viens, on fait un gros son trap, j'ai une instru et je te donne 10 000 balles. Tu prends l'argent ou pas? Ah, franchement. Il a fait le petit pff, parce qu'il a entendu les 10 000 balles quand même. Tu vois, il s'est dit peut-être quand même. Ça dépend où il va le son, tu vois. Comment ça? Si on garde le son pour nous, vas-y. Non, mais il te dit 10 000 balles, tu fais la promo, Non. Tu fais 2-3. Tu prends non, pas 10 000 balles? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. 10 000? Honnêtement, je sais pas. 10 000? Non, si ça va sur. Non, je dirais non. Tu prends pas 10 000? Non, je pense que je dirais non. Vas-y. Je pense que je dirais non, honnêtement. Ouais. Non, c'est... non, je peux pas. C'est un mytho! Non. Franchement, honnêtement, non. Non, moi je dirais non. Ok. Même je le montre à Madarone. Ok, non, mais c'est bon, au moins c'est. Ah non. C'est honnête de ta part. Donc, du coup, je voulais. Du coup, pareil, en regardant les clips, j'ai ouais. regardé les commentaires, regardé un peu les descriptions que tu mettais. Yes. Donc, moi, je voulais m'attarder sur ton premier son. Donc, il faut rappeler que c'était il y a 5 ans. 2013. C'est ouais, ça. C'est ça. Exact. Je suis nul en maths, hein. Faut pas. Bah, quel, de toute façon, toi. Donc, déjà. Non, mais je savais qu'on allait me poser la question, j'ai révisé aussi. Donc, déjà, tu vois, rien que sur le visuel, c'était pas Thanos. C'était Itanos. Ouais. Ritanos. Non, mais pourquoi ça évolue? Enfin, c'était un délire. En fait, c'était une bannière que j'avais fait quand je jouais à la Play à l'époque. Ok. La game avait fait une bannière parce que mon plat, c'était déjà Thanos sur la Play. Je suis honnête, hein. Et vas-y, j'avais cette image là, je me suis dit ouais, t'as mis ça. Vas-y, je mets ça. La tête. Yes. Ouais. Ok. Vas-y. Hein. Très bien. Et en description, du coup, je vais lire ce que t'as écrit. Ouais. T'as mis bonjour à tous. Je voudrais faire du rap pour délirer, pas me prendre la tête. Je ne veux pas en faire mon métier, mais je voudrais en faire peut-être en amateur plus tard. Et je voudrais savoir ce que vous pensez de ce son. La qualité est mauvaise, je le sais. Je fais ça sur mon PC et non en studio. Sachez qu'en aucun cas je veux finir grand rappeur, etc. Mais pourquoi pas collaborer plus tard avec de jeunes rappeurs pour s'éclater. Des grandes lettres, Non, je trouvais ça bien, tu vois. Ah ouais. Moi, je trouvais ça bien, je trouvais ça sincère. Ouais. Mais aujourd'hui, 5 ans après, ça a changé. Voilà, tu lis ton message. Ouais. Tu le lis de la même manière. Quand je le relis, je le pensais vraiment. Je sais que c'est vraiment ce que je pensais sur le coup. Après, je me dis maintenant, tu veux pas finir, tu vois. Après, voilà, ça vient. Je me dis, si ça vient, ça vient. Maintenant, je fais ça plus propre et je prends ce qu'il y a à prendre. Et puis, on verra par la suite. Je me casse pas la tête. Petite question encore, argent, label, tout ça. Je suis chef de label, tout ça. Je te dis, écoute, Thanos, je pose 1 million sur toi. tu signes chez moi, mais par contre, tu fais plus du boom bap, tu fais de la zumba. 1 million. De la zoom bap. Ouais, ah, de la zoom bap. Il y a quelque chose là aussi. C'est un concept. Ouais, 1 million quand même. Ah, 1 million, je les prends là. Tu prends 1 million, ouais, 1 million, tu fais de la zumba. Ouais. Si on fait de la bonne zumba. Si on fait de la bonne zumba. Mais non, mais après, t'appelles quoi zumba aussi? Qu'est-ce qu'on peut appeler comme zumba? Les sons. Enfin, tu fais du joule, vas-y, fais du joule. Ouais, déjà, faudrait que je sache le faire déjà. Non. Mais après, je vois des gens arriver avec des couteaux de l'extérieur. Non, les genres de sons un peu à la PLK qui sont un peu dansants, tout ça. Non, ça reste encore un peu. Ouais, ouais. Alonso un peu. Ouais, genre assurance vie, machin, ouais. C'est double là. Ouais. Voilà, 1 million de balles, tu fais que 1 million à la fin. Ouais, je pense, 1 million, je les prends. Mais tu fais ça aussi en contrepartie. Ouais. Ok, c'est bon. Ouais. Ok. C'est bon. Non, faut pas... des fois il y a des interventions, faut pas. Il parlait les chinois. J'ai pas capté. Tu dois capter. Ouais. Du coup, à ton actif, t'as 2 EP, ça, plus des sons à côté. C'est ça. Donc l'habit ne fait pas le moine. Junet, je te demande pas de faire. LMS, c'est voilà. Full SP. L'EP, il est gratuit, il est sur ta chaîne. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, comment tu l'as fait? Est-ce que ça a été rapide? Est-ce que ouais. C'est un truc, je sais pas, peut-être en 3 jours tu l'as non, fait? Non, c'est un projet que j'ai fait. J'ai dû l'écrire celui-là en un an et demi. J'ai mis 1 an et demi à l'écrire parce que pareil, j'étais dans les études, tout ça, donc je faisais ça quand j'avais le temps. Ok. Et ouais, j'ai mis du temps à me démarrer, mais les trois derniers sons du projet, j'ai dû les faire en 2 semaines. Parce que je me suis dit, c'est bon, faut que j'avance, faut que j'arrête le soir de regarder la télé ou je sais pas, regarder les émissions bizarres. Je me suis dit, vas-y, il faut que j'écrive, que je me mette à fond dedans. Et je l'ai fini. Les 3 derniers sons, je les ai finis en 2 semaines. Okay. Et après, les séances de studio, le enregistrement, mixage, mastering, ça s'est fait en 2 jours. Okay. Voilà. Okay. Et du coup, 2018, 2019, Fly 2019, ouais, 2019, 27 ouais. Février. Février, exact. Est-ce que ça a été aussi... on va dire long entre guillemets, ou ça a été plus court dans sa conception? Non, ça a été Fly, ça a été un petit peu plus court. J'ai mis moins de temps à le faire, mais pareil, j'ai eu du mal à me lancer. J'ai écrit en 7-8 mois, j'ai écrit les 2 premiers sons du projet, et après pareil, ça s'est enchaîné direct derrière. En fait, il faut que j'ai ce moment qu'il faut que je me lance, ouais. Et quand je suis lancé, après ça enchaîne un peu les morceaux. Par contre, il y a des morceaux dans le projet Fly X, par exemple, c'est un morceau que j'ai écrit, que j'ai commencé à écrire en 2015, que je voulais mettre dans le premier EP au départ, mais j'avais pas réussi à bien j'avais pas la bonne vibe et tout. Je trouvais que le morceau il sonnait pas encore bien. Okay. Donc j'ai dit je le mets de côté et j'attends pour plus tard, et il est sorti en 2019. Ouais, d'accord. C'est pas mal. Petit compliment quand même, j'ai écouté l'album 4 fois. Ouais. Je trouve qu'il est bien réalisé quand même, tu vois. Ouais. Après, la seule chose que je trouve dommage, c'est que sur certaines rimes, c'était trop facile. Trop facile. Ouais. Ouais. Trop facile. Tu vois, trop je facile. M'attendais un peu plus de technique, mais dans l'ensemble, c'est quand même bien réalisé. Le truc, c'est que tout ce qui est technique et tout, j'ai préféré le mettre dans le premier EP parce que c'était plus old school, tout ça. Ah, tu donnes tout après, nique sa mère. Non, c'est pas ça. Non, c'est que le deuxième, j'ai voulu faire un truc un peu différent, un peu plus moderne. Et du coup, je me suis moins cassé la tête. C'est différent, en fait, la façon d'aborder le rap. Parce que les 3 morceaux qui sont très old school, ils sont quand même assez cherchés. Yes. Au niveau des paroles et tout. Mais c'est vrai que les morceaux un peu plus new school, c'est vrai que je me suis un peu plus laissé aller. Je me suis dit, laisse parler. Et puis, vas-y. Pour pas moyen, y a quand même, je sens quand même une influence de Kalash de Booba Kaaris dans le flow, non? Ouais, un petit peu. Ouais, ouais, j'écoute beaucoup. Je sais, plus Booba que Kaaris. Tu mets la prod, il peut rapper dessus. Ouais, un peu, ouais. Ouais, j'écoute beaucoup Booba. Qu'est-ce que t'as à dire? Oui, Octogone. Octogone. Octogone. Sans règle. L'heure, la date. Le jour. Ok, ok. Ah, il y a Mike qui veut dire quelque chose. Oui. Ajoutez Mike, 25 000. Voilà. Donc vous saurez, lui, il vient tous les soirs pour dire ça. Donc à chaque fin d'émission, il a des ajouts. Ouais, voilà. Justement, tu nous as parlé du morceau X. Avant de mettre ça, j'avais une question. Ah ouais, attends, bouge pas. Attends, non, mais j'avais une question, je vais peut-être la retrouver. Tu sais quoi, je vais mettre le son. Mets le son et rond. Est-ce que tu fais beau demain? Non, mais c'est vrai, en plus j'avais une vraie question. Sur le feed peut-être? Ah si, non, parce que du coup tu parlais des enregistrements studio, du mixage. Ouais. Moi tu sais, en vrai, comment je t'ai découvert, c'est sur les liens sponsorisés en fait. Ouais. T'avais fait lettre à ma jeunesse. Ouais, lettre pour la jeunesse. Lettre pour la jeunesse. Ouais. En fait, moi, c'est tombé dans mes dans mon actualité. Ouais. Et j'ai vu, tu sais, je sais plus ce que c'était en description, mais il y avait un truc qui a fait que ben, j'ai cliqué, tu vois. Ouais. C'était peut-être, t'avais peut-être mis. Ouais, j'ai peut-être mis je mets des emojis, des trucs comme ça, nouveau clip, machin. De Besançon, ou je sais ouais, plus. Je sais ouais. plus du tout ce que t'avais mis. Et du coup, j'ai cliqué. Et je sais que maintenant, ça devient, entre guillemets, compliqué pour les indés de faire sa propre promo, tout ça, tout ça. Est-ce que c'est une question en dehors de ce que j'avais prévu, est-ce que tu trouves qu'on ne rentre pas dans un délire où tu es dans ta propre promo, en fait, toi, tu fais du commerce, bah, tu fais... T'essaies de te vendre, mais t'es tout seul, tu vois. Je suis le produit, en fait. C'est ça. Mais tu te vends, en fait. C'est toi qui te vends. Bah, c'est ça. Bah, non, je vends ma musique. Ouais, oui. Après, mais le personnage, ça, son projet, bon. C'est... Et je vends le personnage, ouais. Non, parce que quand tu regardes, quand même, c'est méga propre. Tu vas en studio, tu fais des clips avec des clippers qui sont talentueux, tu vois. Ouais. Mais t'es encore là, t'es obligé de faire ta promo. Est-ce que tu préférerais pas qu'il y ait un mec qui vienne, il s'occupe vraiment de ça, tu vois. Signe. Toi, t'es le rappeur. Tu vois, t'es le rappeur, tu fais ce que t'as à faire, t'écris, t'enregistres, et il y a un mec qui te fait ta pub, tu vois. Ouais, bah ça en vrai, après moi je cherche pas forcément, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait vraiment quelqu'un qui se mette à faire ça et tout. Après c'est compliqué, tu vois, je fais 3000 vues, je fais pas 15 000 vues, je fais pas... Ajoutez Mike, 25 000, c'est ça. On a un contrat pour toi chez Mike Record. Mais t'as les millions, frère. Non mais ouais, c'est vrai que même pour les scènes, tout ça, c'est vrai que faire des premières parties et tout, ce serait bien pour faire un peu de promo. Après, est-ce que je m'y prends mal et tout ? J'ai pas non plus les contacts dans le domaine. Donc, Mike, ajoute Mike. J'ajouterai Mike. Okay. Mais ouais, voilà. Après moi je fais tout seul, c'est vrai que je fais tout seul sauf ce qui est enregistrement, mix, mastering. D'accord. Après toute la promo, tout, je fais tout seul. Ok, moi c'est un choix aussi. Hein. Moi j'ai juste deux petites questions, parce que là c'est un petit concours, j'ai deux petites questions, si tu réponds aux deux questions, tu gagnes un snack food, un menu chez Snack Food, c'est notre partenariat. Ouais. J'ai lu un peu ton interview que tu avais fait, donc je voulais juste savoir quel était la dernière track de l'album Micro d'Argent. L'école du Micro d'Argent, ouais. Demain c'est loin. Ok, bien joué, sur un. Et t'as parlé de Take a Mic. Ouais. C'est quoi sa gimmick? Oh putain. Take a Mic. Attends. Si tu perds, c'est toi qui paye un snack food. Attends. Moi je sais. On comptait déjà, on est combien? Je l'ai sur le bout de la langue. Moi je sais. Putain, je l'ai sur le bout de la langue en 3. Plus. Merci beaucoup. Qui veut quoi, les gars? On passe les commandes. Envoie. Ah gros. Envoie la commande, hein, c'est bon. Voilà. Ah, bien vu. Ok. Alors là, je vais passer donc le son X. Je vais passer le son première balle. Yes. Targaryen. Ouais, c'est ça. Donc on va passer ces deux sons. Mais pendant ces deux sons, on va te faire travailler un petit peu. Vas-y. Tu vois, parce qu'on te pose des questions, tout ça, mais à un moment, yes, là, va falloir vraiment travailler un petit peu. Tu vois. On a un petit jeu qui s'appelle la rime facile, qu'on a essayé là depuis 2 semaines. C'est sympa. En gros, on t'impose 10 mots. Ok. Les 10 mots, ils sont tirés de tes titres de clips. Ils sont tirés de tes titres de clips. Ok. Et un peu de ton univers général. Donc en gros, tu auras le temps des deux morceaux pour nous écrire un petit truc. Ça peut être 2 mesures, ça peut être... A cappella. Ouais, ça peut être 100 mesures. Après, si tu veux mettre une de tes prods et partir dessus, tu peux aussi, tu vois. On verra. Donc en gros, je pense que tu as à peu près 6, 7 minutes pour écrire un truc. Ok. Bon, on a 10 mots, on essaiera de te mettre une note sur 10. Si t'as les 10 mots, t'as 10 sur 10. Ok, vas-y. Et voilà, tu fais comme tu veux. Vas-y. Est-ce que t'écris sur téléphone ou est-ce que t'écris sur papier? Sur mon téléphone. Ok. Donc, je vais te donner les 10 mots. Attends, je vais les noter. Donc, ce soir, on est toujours dans la 25e avec Thanos, émission spéciale. Il est 22h58, on a pris un petit peu de retard. Tu casses tout. Mais tranquille, on va passer à la rime facile. Vas-y. Après la rime facile, c'est freestyle. Okay. Ok, donc je te préviens d'avance. Donc les mots à intégrer sont évidemment Thanos. Balle. Comme Gareth, balle quoi. Merci. Comme Fly. Portugal. Un bâtard. Grand Charmant. Ouais. Moine. Ouais. Lettre. Ouais. Graine. Yes. Avengers. Et freestyle. Vas-y. Voilà tes 10 mots. J'ai pas été trop méchant. Non, ça va. J'ai pas été trop méchant. Je t'ai pas placé une babouche ou tu vois. Ah, j'aurais pu te placer un truc de bonus. Ouais, c'est dire que j'aurais sorti. C'est des mon bonus. C'est de mon bonus. Vas-y. Donc, je vais balancer X en featuring avec Manon. C'est ça. Je le dis au passage. Et première balle, Targaryen. Ouais. Et après, on passe à la rime facile. Ok. Après la rime facile, c'est comme tu veux. Soit on passe un dernier son avant de te préparer au freestyle. Ouais. Sinon, balance direct le freestyle. C'est toi qui verras après la rime facile comment tu te sens. On fait ça. Yes. Nickel.